إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc aujourd'hui on commence le cours numéro 3 dans la lecture du livre du Sharh de Adab Al-Mashi ila Salat, écrit par le Cheikh. À la base, le livre, c'est le livre du Cheikh Mohammed, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, avec les explications du Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, Hafizahullah. Et au dernier cours, en fait, la semaine passée, on a fait le cours numéro 4, et j'explique pourquoi aujourd'hui on fait le cours numéro 3, c'est parce que, en fait, j'avais déjà fait le cours numéro 3 avec les frères ici à la mosquée. Et, mais par contre, je l'avais pas enregistré. Et donc, il manquait ce cours-là dans la série. Hein, parce qu'on a l'enregistrement du cours 1 et 2. Et donc, quand j'ai mis les audios ensemble, j'ai constaté qu'il manquait le cours numéro 3. Donc, je me suis souvenu que lorsque j'avais fait ce cours-là avec les frères après la salat de Isha, ici dans la mosquée, on n'avait pas enregistré. Donc, je crois que ça vaut la peine de l'enregistrer pour que la série soit complète et pour qu'il n'y ait pas d'espace, de manque dans l'explication, Inch'Allah. Donc, on va commencer tout de suite, Inch'Allah. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit قوله ويشتغل بذكر الله أو يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا فما دام كذلك فهو في صلاة والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يتحدث أو يحدث أو يحدث نعم ما لم يؤذي أو يحدث أو يحدث نعم. الشيخ الذي إذا دخل المسلم المسجد فإنه بعد أداء الراتبة أو تحية المسجد يكون مشتغلا بقراءة القرآن والذكر والدعاء ولا يشغل نفسه بأمور الدنيا، لأنه هو في المسجد في صلاة ما كان في صلاة لا يشتغل بشيء سواها. donc il explique que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit dans le texte de Adab al-Mashi ila Salat, il dit que lorsque la personne entre à la mosquée, bon, après avoir fait Tahiyatul Masjid, elle s'assoit et elle s'occupe avec le rappel d'Allah. Elle s'occupe par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle, ou bien elle se tait. Et elle ne rentre pas dans des discussions sur les affaires de la dunya. Tant que la personne attend la salat, eh bien c'est comme si elle était dans la salat déjà. C'est comme si elle était déjà en prière au moment où elle attend la prière. Et les anges demandent pardon pour lui tant que la personne ne fait pas de tort à d'autres ou qu'elle ne يعني fait pas de péché. Et Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, il explique, il dit que lorsque le musulman rentre à la mosquée et qu'il a il vient pour faire sa salat et puis il fait la sunna qui est prescrite pour cette prière là ou bien qu'il a fait le salut de la mosquée, il a fait rak'atayn tahiyatul masjid, et bien après ça il se préoccupe en récitant le Coran, en faisant des rappels, des zikr et des invocations, et il ne se préoccupe pas par des choses de la dunya, par des affaires de la dunya, parce que pendant qu'il est dans la mosquée à ce moment là c'est comme s'il était déjà en prière, il était déjà dans la salat. Et du moment qu'il est dans la salat, il ne doit pas être distrait et se préoccuper par des choses en dehors de la salat. Donc il dit وَمَرَّ قَرِيبًا عِنْدَ ذِكْرِ مُقَرَبَةِ الْخُطَى إِلَى الْمَسْجِدِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفِيهِ فَإِذَا صَلَّى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة وورد في بعض ألفاظه ما لم يؤذي أو يعني يحدث نعم أو يحدث نعم يحدث ولا يزال في ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة وورد في بعض ألفاظه ما لم يؤذي أو يعني يحدث فدل الحديث على أنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة ودل أيضا على أنه بعد الصلاة في صلاة ما لم يؤذي أو يحدث والمعنى ما لم يؤذي أحدا من الناس بقوله أو فعله أو يعني يحدث يعني بأن ينتقض وضوءه لأن من لم يكن على وضوء لا يكون مصليا. Bon. Le Cheikh explique que il a été mentionné dans les cours précédents, quand on a parlé de la façon dont la personne doit marcher lorsqu'elle vient à la mosquée au début, on a expliqué qu'elle doit rapprocher ses pas. Parce que chaque pas que la personne va faire vers la mosquée, c'est pour chaque pas, un pas qu'il fait, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne un péché, et l'autre pas, Allah l'élève d'un degré. Donc, à chaque fois qu'il fait un pas, eh bien, il s'élève en degré et Allah lui pardonne un péché. Et on a mentionné également que, dans la suite du hadith qui est rapporté à ce sujet-là, par Abi Huraira, radiallahu anhu, il dit que la personne, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique que la personne, lorsqu'elle a fait la salat, les anges continuent à prier sur lui. Tant qu'il est dans la mosquée et tant qu'il est dans l'endroit où il a prié, et les anges demandent pour lui la bénédiction et la miséricorde, hein? Et ils disent Allahumma salli alayhi, Allahumma arhamhu, et ça continue de cette façon tant qu'il atteint la salat. Et dans certaines narrations de ce hadith-là, dans certaines narrations du même hadith, ça dit tant qu'il n'a pas nuit aux gens et tant qu'il n'a pas perdu son ablution. Parce que yuhdith, ça veut dire qu'il a fait quelque chose qui annule son ablution. Al-hadath. Et moi j'aurais pensé que ça pouvait dire aussi dans le sens de al-hadath, aussi dans le sens de d'un péché, hein, mais le Cheikh Abdul Muhsin il clarifie que c'est dans le sens de perdre son ablution, parce qu'il dit ma lam yu'zi, c'est-à-dire tant qu'il fait pas du tort aux gens, tant qu'il ne fait pas du tort aux gens avec sa parole, par sa parole ou par ses actions. Et ou yuhdith, yani, ou yani, yuhdith, c'est-à-dire qu'il perd son ablution, il perd son wudu. Il dit parce que quand quelqu'un perd son ablution, il ne peut pas être considéré comme étant en train de faire la salat. Hein? Donc tant que la personne ne fait pas de tort à quelqu'un et puis qu'elle ne perd pas son ablution, elle est considérée comme s'il était dans la salat, en attendant la salat. Ensuite, on passe à un autre chapitre, c'est le chapitre de la description de la salat, comment il faut faire la salat. Et il dit donc bab sifat as-salah. Et le Cheikh Abdul Muhsin il dit ay kayfiyat adaiha bi arkaniha wa wajibatiha wa mustahabbatiha wa salat aqwal wa af'al makhsusa مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم وقد جاء بيانها في السنة في أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام وصلوا كما رأيتموني أصلي أخرجه البخاري عن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه. Donc ici, le chapitre, c'est le chapitre de la description de la salat. Et le Cheikh Abdul Muhsin, il explique que c'est-à-dire que il y a dans ce chapitre l'explication de comment on doit faire la salat en expliquant quels sont ses piliers, quelles sont ses obligations et quelles sont ses recommandations. C'est-à-dire les choses qui ne sont pas obligatoires dedans mais qui viennent parfaire la prière et qui sont recommandées. Et la salat, donc, c'est composé de paroles, c'est quelque chose qui est composé de paroles, d'actions spécifiques. Hein, c'est pas n'importe quelle parole et pas n'importe quelle action, c'est des actions et des paroles qui sont spécifiques et qui sont débutées. La salat, elle est débutée par le takbir, c'est-à-dire le fait de dire Allahu Akbar, Takbiratul Ihram, et qui est terminé par le taslim, c'est-à-dire le fait de terminer en disant Assalamu alaykum. Donc ça c'est la description de la salat, comment les fuqaha décrivent la salat selon la définition religieuse. Donc la salat, c'est des paroles et des actions particulières et spécifiques qui sont débutés par Allahu Akbar et qui sont terminés par Assalamu alaykum wa rahmatullah. Et il est mentionné, il a été rapporté dans la description dans la sunna par rapport aux paroles et aux actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit justement par rapport à la façon dont on doit prier, Sallu kama ra'aytumuni usalli, c'est-à-dire faites la salat de la même manière que vous m'avez vu faire ma salat, comme je prie, priez de la même façon, priez comme vous m'avez vu prier. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et c'est un hadith qui est rapporté selon Malik ibn al-Huwayrith radiyallahu anhu. Et donc c'est-à-dire qu'on doit prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, et comme on l'a pas vu nous-mêmes prier, hein, personne aujourd'hui peut prétendre qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire la salat, mais ça signifie en fait pour nous de retourner aux descriptions des paroles et des actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a prié dans les hadiths qui ont été rapportés de la part des sahaba au sujet de la prière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça vient expliquer et en même temps ça prouve l'obligation de croire en la sunna et de suivre la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça réfute aussi ceux qui se disent coranites ou coraniyoun. Il y a des juhal comme ça. Ils disent, nous on croit seulement au Coran, on ne croit pas en la Sunna. Hein? Allah Musta'an. Et dernièrement, j'avais entendu un homme comme ça. Et parmi les gens de l'égarement, un vieil homme tunisien qui disait qu'il était coranite, Allah musta'an, et il disait qu'il croyait uniquement au hadith si le hadith était en accord avec le Coran. Et de dire ça déjà, c'est absurde parce qu'il ne peut pas y avoir un hadith qui contredit le Coran, puisque la sunna, elle vient d'Allah. Hein, comme le Coran, et c'est une révélation d'Allah, et elle est préservée. Et donc, et aussi, c'est pas une condition pour que quelque chose, yani tu le fasses, que ce soit dans le Coran. C'est-à-dire que si quelque chose est ordonné par le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est obligatoire de le mettre en application. Même si c'est pas mentionné dans le Coran, parce que le Coran c'est la parole d'Allah et la Sunna c'est ce qui est ramené de l'explication du Coran par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parfois il vient expliquer le Coran et clarifier la signification de ce qui est dans le Coran, et parfois il y a dans la Sunna des ordres supplémentaires à qu'est-ce qui est dans le Coran. Et c'est aussi obligatoire de suivre la sunna et d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam que d'obéir au Coran seulement, d'obéir au Coran. Donc de la même manière qu'on doit obéir à Allah, on doit obéir au messager. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala dit justement à propos de ça: "Oman yuti' ar-rasul faqad ata' Allah." Celui qui obéit au messager, il a certes obéi à Allah. Et donc c'est aussi obligatoire pour le musulman d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala en suivant ce qui est dans le Coran que d'obéir à son messager sallallahu alayhi wa sallam en suivant la sunna qui est authentique. Donc ça c'était juste un point en passant. Après il dit le cheikh wa qawluhu, pourquoi je dis ça, parce qu'en même temps quelqu'un ne peut pas prier. Il ne peut pas prier comme il faut, il ne peut pas savoir comment faire la salat exactement sans connaître la sunna et sans suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que les détails des règles de la salat se trouvent uniquement dans la sunna et non dans le Coran. Dans le Coran, il y a les règles générales, les grandes règles, mais les détails de la salat, ça c'est uniquement mentionné dans la sunna. Donc si quelqu'un prétend qu'il ne croit pas à la sunna et qu'il suit uniquement le Coran, il ne pourrait pas faire la salat. Il ne pourrait pas faire le jeûne, il ne pourrait pas faire la zakat, il ne pourrait pas faire le hajj. Donc les piliers de l'islam, tous les piliers de l'islam et toute la religion en entier, elle est complétée par la sunna. Et donc quelqu'un ne peut pas croire en le Coran s'il ne croit pas à la sunna. Donc ça c'est un point que je voulais juste clarifier comme ça en passant. Après le cheikh il dit wa qawluhu yustahab an yaquma ilayha 'inda qawli al-mu'adhdhin qad qamat as-salah in kana al-imam fi al-masjid wa illa idha ra'ahu. Donc ça c'est un point important et c'est un point intéressant, et souvent les gens posent la question à ce sujet. Il y a des gens qui se demandent à ce sujet-là, comment faire ou quoi faire. C'est-à-dire que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit, il est recommandé de se lever lorsque le muazzin dit qad qamatis salah, la prière a été établie, lorsque l'imam, le muazzin fait l'iqama en fait. Et ça c'est lorsque l'imam est présent dans la mosquée, à l'intérieur de la mosquée. Sinon, si l'imam était à l'extérieur de la mosquée et qu'il rentre, eh bien, les gens, à ce moment-là, c'est recommandé qu'ils se lèvent au moment où ils voient l'imam. Au moment où ils voient l'imam, ils se lèvent. Donc, Cheikh Abdul Mohsin, il explique ça maintenant. Et il dit, Hafizahullah, « Naam, shuri'at al-iqama li'i'lam al-nas bil-qiyam ila al-salah. Fa'in kana l'imam fi al-masjid, qama al-nas inda al-iqama. وهل يكون القيام في أول الإقامة أو نهايتها أو عند قد قامت الصلاة؟ ثلاثة أقوال أشار إليها الحافظ في الفتح. والأظهر أن المأمومين يقومون عند سماع البدء بالإقامة ليستعدوا بتسوية الصفوف للصلاة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. أما إذا لم يكن الإمام في المسجد فإن المأمومين يقومون إذا أقيمت الصلاة. ورأوه يعني يقومون إذا أقيمت الصلاة ورأوه دخل المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، رواه البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه، وفي لفظ لمسلم حتى تروني قد خرجت. Donc le cheikh il explique ici. Cheikh Abdel Mohsen, hafizahullah, il dit lorsqu'il a été légiféré de faire l'iqama pour faire connaître aux gens ou pour faire savoir aux gens que on établit, on commence à prier et que la prière est établie. Et si l'imam est dans la mosquée au moment de la prière, au moment où on doit commencer la salat, les gens se lèvent lorsqu'ils font l'iqama, lorsque l'iqama est faite. Et est-ce que les gens se lèvent au début de l'iqama, lorsqu'ils entendent l'iqama tout de suite ils se lèvent, ou à la fin de l'iqama ils se lèvent, ou est-ce qu'ils doivent se lever lorsqu'ils entendent le muazzin qui dit qad qamat as-salah? Il dit le cheikh que ça c'est trois parmi les position des ulama qui ont été rapportées et mentionnées par Al-Hafiz dans Fath al-Bari. Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani dans son charh de Sahih al-Bukhari qui s'appelle Fath al-Bari, le volume 2 à la page 120. Donc il dit que qu'est-ce qui est le plus apparent par rapport à ces trois positions-là? La position la plus claire et la plus apparente, la plus valable, c'est que les gens qui sont dans la mosquée, qui vont établir la salat, ils se lèvent au début de l'iqama pour se préparer à faire les rangs de la salat. Et ça, c'est rapporté par l'imam muslim, selon Abi Huraira, qu'il a dit la salat était établie pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et donc les gens commençaient à se mettre en rang avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lève de sa place. Ça c'est dans le cas où l'imam est dans la mosquée déjà, dans le cas où il était présent déjà dans la mosquée au moment de l'iqama. Il dit amma idha lam yakun الإمام في المسجد فإن المأمومين يقومون إذا أقيمت الصلاة ورأوه دخل المسجد. Donc il dit tandis que si l'imam n'était pas dans la mosquée, il n'était pas dans la mosquée, il dit que dans ce cas-là, les gens qui sont dans la mosquée, qui attendent la prière, ils doivent se lever lorsque on a établi la salat au moment où on le voit rentrer dans la mosquée, au moment où on voit l'imam rentrer dans la mosquée. Et ça, c'est basé sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Selon Abi Qatada qui dit lorsqu'on a établi la salat ne vous levez pas jusqu'à ce que vous me voyez. Lorsqu'on établit la salat, alors ne vous levez pas jusqu'à ce que vous me voyez. Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Qatada, comme on a dit. Et dans une autre narration de ce hadith selon Muslim, il dit حتى تروني قد خرجت، c'est-à-dire jusqu'à ce que vous me voyez que je suis sorti, jusqu'à ce que vous voyez que je suis sorti de chez moi. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il habitait dans les appartements qui étaient collés à la mosquée. Hein? Donc, pour rentrer dans la mosquée, quand il sortait des appartements où il habitait, les appartements de ses épouses, donc il était dans sa maison, puis pour rentrer dans la mosquée, il rentrait par une porte qui était reliée à la mosquée. Donc lorsque les sahaba voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortir de chez lui et rentrer dans la mosquée, il se levait à ce moment-là. Et donc, c'est comme ça que on doit faire lorsque l'imam n'est pas dans la mosquée. Eh bien, ils doivent se établir. Lorsque la prière est établie, ils se lèvent lorsqu'ils le voient rentrer. Aynam. Il dit: وقوله قيل للإمام أحمد قبل التكبير تقول شيئا قال لا إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. Ensuite, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit, et on a demandé à l'imam Ahmad, est-ce que tu dis quelque chose avant le takbir? C'est-à-dire avant de faire le premier takbir pour la salat. Il a dit non, parce que cela n'a pas été rapporté du prophète, de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ni d'aucun d'entre ses compagnons. Donc, ça n'a pas été rapporté. L'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, il dit que rien n'a été rapporté de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'aucun de ses compagnons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait quoi que ce soit, qu'il disait quoi que ce soit avant de faire le takbir. Et Cheikh Abdul Muhsin il explique ici, il dit que al-ma'na annahu laysa hunaka dhikrun mashru'un qabla takbirati al-ihram ولكن يشرع لسامع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن ويدعو بعد الفراغ منها بالذكر الذي يدعى به بعد الأذان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري نعم رضي الله عنه وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. أي نعم. Donc le cheikh explique que la signification de la parole de l'imam Ahmad rahimahullah, c'est qu'il n'y a pas de dhikr légiféré avant le premier takbir de la salat, takbiratul ihram. Mais par contre, il est légiféré lorsque la personne entend al-iqama de dire ce que le muazzin dit. Il répète ce que dit le muazzin. Et d'invoquer après avoir terminé, le répéter avec le muazzin, eh bien il fait le dua. Il dit qu'il peut faire le même dua qu'on fait après le adhan à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est générale. Et il dit, lorsque vous entendez l'appel, alors dites la même chose que ce que dit le muazzin. dans l'appel. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, et il est rapporté selon l'imam Muslim dans son Sahih, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'il a dit qu'il a entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: si vous entendez le muazzin, dites la même chose que ce qu'il dit, et puis ensuite, invoquez, faites la salat sur moi, car celui qui fait la salat sur moi, Allah subhanahu wa ta'ala fera la salat sur lui 10 fois. Hein, pour cela. Puis ensuite, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala pour moi al-wasila. Parce que c'est un degré dans le paradis qui ne sera donné qu'à un serviteur parmi les serviteurs d'Allah, et j'espère être celui-là. Donc, celui qui demandera pour moi al-wasila, eh bien, il aura droit à mon intercession. Et il dit, ensuite le cheikh, il dit, wal-iqamatu adhan. لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة ثلاثا يعني قاله ثلاثا لمن شاء رواه البخاري واللفظ له ومسلم ومسلم عن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه والمراد بالأذانين الأذان والإقامة ولا تقول ولا يقول أقامها الله وأدامها لأن الحديث في ذلك ضعيف أخرجه أبو داود وفي إسناده رجل مبهم محمد بن ثابت العبدي وشهر ابن حوشب وقد تكلم فيهما. Donc le cheikh explique que l'iqama et l'adhan, il dit non, l'iqama c'est comme l'adhan, c'est-à-dire c'est un adhan aussi. Parce que nous, on a l'habitude de distinguer. On dit l'iqama pour quand on commence la prière, puis le adhan, c'est l'appel à la prière avant l'iqama. Et le cheikh explique que l'iqama s'appelle aussi adhan. C'est aussi, on peut l'appeler aussi adhan, et c'est aussi un appel. Hein? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre chaque deux adhan, il y a une invocation. Entre chaque deux adhan, il y a une invocation. Il a répété ça 3 fois. Baina kulli adhanayni salat. Baina kulli adhanayni salat. Baina kulli adhanayni salat. Liman sha'. Il a dit pour celui qui veut. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et c'est la narration de Muslim qu'il a mentionné. Et c'est rapporté selon Abdullah ibn Mughaffal. Et il dit, qu'est-ce qu'il veut dire ici par les deux adhan? Il veut dire, yani al-adhanan ou al-adhanayn, parce qu'ici c'est majrour, à cause du ba. Et donc, quand il dit al-adhan, on dit al-adhanan, mais quand c'est majrour, on dit adhanayn, hein, parce que c'est un duel, et le duel il prend le ya quand il est mansoub. Donc ici bil adhanayni, et il dit donc que les deux adhan en question, c'est quoi? C'est le adhan, l'appel à la prière, et al-iqama. D'accord? Et il dit wala yaqul aqamaha Allah wa adamaha, parce que dans certains hadiths qui sont, c'est un hadith qui est faible, qui est rapporté selon, qui est rapporté par Abu Daoud. Il y a la mention du fait que de dire aqamaha Allah wa adamaha lorsqu'on entend l'iqama, et c'est pas authentique de dire ça. Donc si vous entendez quelqu'un ou vous voyez quelqu'un qui dit aqamaha Allah wa adamaha au moment de l'iqama, eh bien sachez que ça c'est da'if, ce n'est pas authentique, c'est un hadith qui est faible. Et dans la chaîne, la raison de la faiblesse de ce hadith, c'est parce que dans la chaîne de transmission de ce hadith, il y a deux narrateurs. Le premier, c'est Muhammad ibn Thabit al-Abdi, et donc il est Mubham, et il y a Shahr ibn Hushib, et également lui fait partie de ceux au sujet desquels il fait partie de ceux au sujet desquels les ulama de hadith ont parlé. Donc ils ont mentionné à son sujet des choses qui fait que c'est pas quelqu'un de qui on peut rapporter les hadiths, et donc on prend pas, donc ce hadith là il est faible. Après il dit وقوله ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذة المناكب والأكعب ويسن تكميل الصف الأول فالأول وتراس المؤمنين وسد خلل سد وسد خلل الصفوف. Donc le cheikh il dit que en fait c'est l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, il explique que l'imam doit faire en sorte que les rangs soient droits en mettant à égalité les talons et les épaules des gens, les épaules et les talons des gens qui sont dans le rang, parce que ça c'est une façon de redresser les rangs, de mettre les talons avec les talons et les épaules avec les épaules, et de compléter les rangs en commençant par les premiers. Donc on complète pas des rangs qui sont en arrière avant d'avoir terminé de compléter ceux qui sont parmi les premiers rangs, et également de fermer les rangs pour qu'ils soient serrés et pour qu'il n'y ait pas d'espace vide entre les personnes. Donc tout ça, ça fait partie des exemples de ce que l'imam doit faire avant de commencer la salat, de vérifier les rangs et d'établir les rangs. Donc le cheikh Abdul Muhsin il explique ça et il dit وبعد القيام إلى الصلاة يسوي المصلون صفوفهم وذلك بمحاذة المناكب والأكعب فلا يتقدم أحد على أحد وبالتراص فيها فلا يبقى فرج. Donc le cheikh il dit que après avoir établi la salat, l'imam doit vérifier que les rangs soient droits et que les rangs soient établis, et cela c'est en faisant en sorte que les talons soient, les épaules soient collées avec les épaules et les talons soient égales aux talons, et que personne ne soit ne devance personne, c'est-à-dire il n'y a pas quelqu'un qui va devancer, être un peu plus en avant que les autres. Tout le monde est aligné. Et également at-taras, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens soient collés les uns à côté des autres pour qu'il n'y ait pas d'espace vide entre eux, et pour compléter les rangs. Donc on commence toujours, le cheikh il dit وبي إكمال الصف الأول فالأول فلا ينشأ الصف الثاني إلا بعد إكمال الأول ولا ينشأ الصف الثاني إلا بعد إكمال الثاني لا ينشأ الصف الثالث إلا بعد إكمال الثاني وهكذا. Donc le cheikh il dit que tu dois commencer par les premiers rangs. Tu complètes une première rangée, celle qui est en avant, avant de faire la deuxième. Et tu commences pas la deuxième, tu commences pas plutôt la troisième, avant d'avoir terminé le deuxième rang. Et ainsi de suite. Donc, tu termines chaque rangée une à la fois, avant de commencer une autre rangée en arrière. Et ainsi de suite. Après le cheikh il dit وقد جاءت الاحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم او ليخالفن الله بين وجوهكم ورواه البخاري ومسلم وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة وفي رواه البخاري واللفظ له ومسلم وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه رواه مسلم في صحيحه. نعم. Donc le cheikh il explique que de faire ça c'est mentionné dans plusieurs hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam selon An-Nu'man ibn Bashir. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait en disant vous allez redresser vos reins ou sinon Allah subhanahu wa ta'ala va mettre la division entre vos visages. Hein? Ou sinon Allah va mettre la divergence entre vos visages. Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une autre narration, ça dit أو لا يخالفن الله بين قلوبكم, entre vos cœurs. Dans une narration, c'est entre vos visages, il va mettre la division, et dans une autre narration, ou bien sinon, il va mettre la division entre vos cœurs. Et des fois, parfois, c'est quelque chose qui a été délaissé, cette sunna, par beaucoup de musulmans et beaucoup d'imams. Dans les mosquées, on voit peu d'imams suivre cet exemple, suivre cette sunna, de redresser les reins et de mentionner aux gens de se coller, de mettre les talons avec les talons, les épaules avec les épaules, et de fermer les espaces vides entre eux. Il y a peu d'imams qui font la mention de ça, et c'est pour cette raison que des fois les gens deviennent impatients lorsqu'ils vont dans une mosquée où l'imam applique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la façon d'établir les reins. Ils disent comme si en voulant dire ah ça prend trop de temps, pourquoi il commence pas la salat tout de suite l'imam, pourquoi l'imam retarde, pourquoi l'imam parle, pourquoi l'imam il fait pas tout de suite takbiratul ihram, pourquoi il commence pas tout de suite la salat, c'est long et les gens sont impatients. Allah musta'an. Et ça j'ai vu dans les mosquées où les gens n'ont pas été éduqués par rapport à la sunna et à ces détails, et ils sont impatients, ils ne veulent pas entendre rien, ils veulent que l'imam commence direct la prière, même si les rangs sont croches, même si il y a des espaces entre les gens, même si il y a des problèmes dans les rangs, pour eux c'est pas grave, alors que ça fait partie d'établir la salat. C'est très très très très important, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit même que sinon Allah va diviser vos cœurs, va mettre la divergence entre vos cœurs et vos visages. Alors est-ce que ça c'est pas important, il y en a d'être unis? C'est pour ça que c'est un exemple aussi par rapport aux gens de Bid'a et aux Hizbiyin, quand ils disent par exemple qu'ils veulent unir les musulmans, puis quand tu les appelles à suivre les exemples de la sunna comme le fait de redresser les reins, ils prennent ça à la légère et ils dénigrent ça, et yani subhanallah, ils ne réalisent pas que ça c'est justement un signe de la division des gens, et que c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit de mettre les reins droits, sinon Allah va diviser vos cœurs. Allah musta'an. Et donc, il a dit également, comme c'est rapporté selon Anas, redressez vos reins et mettez vos reins égales. Parce que cela fait partie d'établir la salat. Cela fait partie d'établir la salat. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à la salat. C'est quelque chose qui fait partie, qui est inclus dans l'établissement de la salat. Donc lorsqu'on prend du temps pour redresser les reins et fermer les espaces entre les reins et être certain qu'il n'y a pas de gens qui se dépassent ou que les reins sont complétés les uns après les autres, quand on fait ça, ce n'est pas du temps qu'on gaspille, hein? Ce n'est pas du temps qu'on perd. Au contraire, ça fait partie d'établir la salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait sawwu sufufakum fa inna taswiyat as-sufuf min iqamati as-salat. C'est-à-dire d'égaliser les rangs et de mettre les rangs droits, fait partie de l'établissement de la salat. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans un autre hadith de Sahih Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, selon Anas, un d'entre nous collait son talon, son épaule sur l'épaule de son compagnon et son pied à côté de son pied. D'accord? Donc ça, c'est pour dire que les gens, ils étaient droits dans les reins. Et puis quand tu mets ton épaule sur l'épaule de celui qui est à côté et le pied collé sur le pied, surtout que c'est le talon, hein, pas seulement le pied, mais même le talon collé avec le talon, eh bien là c'est certain que le rein va être droit si tu respectes cette sunna. Aussi quelque chose que les ulama mentionnent aussi par rapport à ça, et c'est le fait que lorsque tu te mets en rang dans la salat, tu pries en jama'a, tu te mets en rang, eh bien, tu écartes pas trop tes jambes, exagérées, et tu les colles pas non plus les deux pieds, tu colles pas trop tes pieds ensemble de façon exagérée, mais tu les écartes de façon à ce que tes pieds soient à la même distance l'un de l'autre que ton épaule gauche et ton épaule droite. C'est-à-dire que lorsque tu tiens debout, ton pied droit est à la même distance que ton pied, ton pied droit est à la même distance par rapport à ton pied gauche que ton épaule droite est par rapport à ton épaule gauche. Donc tu vois, ton pied droit est vis-à-vis ton épaule droite et ton pied gauche vis-à-vis ton épaule gauche, et comme ça tu peux réellement être collé sur la personne qui est à côté de toi. Tandis que si tu écartes tes pieds et que ton pied droit dépasse à droite de ton épaule droite et ton pied gauche est à gauche de ton épaule gauche, hein, et bien là, la personne qui est à côté de toi, elle ne peut pas atteindre ton épaule. Elle ne peut pas se coller sur ton épaule parce que tes pieds sont trop loin et elles bloquent. Tes pieds bloquent l'accès. Hein. La personne va être éloignée de toi à cause de ça. Et dans l'autre sens, si tu colles tes deux pieds trop près l'un de l'autre, hein, donc ça veut dire que là, ton pied droit, il va être à gauche de ton épaule droite, et ton pied gauche, il va être à droite de ton épaule gauche, dans le sens que si tu regardes par en haut. Donc dans ce sens-là, ça veut dire que la personne qui va être à côté de toi, si elle veut coller son pied à côté du tien, elle est elle obligée de s'écarter encore plus loin pour atteindre ton pied, et à cause de ça, elle pourra pas être elle aussi de son côté droite, et donc ça va déséquilibrer tout le rang. Donc c'est très important de pas exagérer, de pas écarter trop les jambes et de pas les rapprocher trop les pieds non plus, comme on le voit par exemple chez certains parmi les Ahnaf, hein, chez les Pakistanais, les Indiens et les Turcs aussi qui sont du Madhab al-Hanafi. Ils collent les pieds les uns à côté, comme collés ensemble au milieu, comme s'ils se rapprochent les deux pieds très près l'un de l'autre pour pas que la personne à côté d'eux rapproche ses pieds de lui. Des fois même que dans certaines mosquées, surtout dans les mosquées d'établir et des gens de les régions où ils sont ahnaf, et si tu te rapproches de la personne à côté de toi, parfois tu rapproches ton pied pour coller, pour fermer le rein, pour pas laisser d'espace, et puis malheureusement, Allah al-Musta'an, la personne, elle s'écarte même, elle, c'est comme si on dirait, elle fuit de toi, et ça c'est une contradiction, hein, c'est une contradiction de la sunna, il n'y a pas de doute, et parce que les hadiths à ce sujet-là sont clairs. mais yani, ils ne tiennent pas compte de ça malheureusement. Donc ça c'est une grave erreur, c'est une grave erreur. Et donc ça c'est parce que souvent c'est des gens qui sont ignorants de la sunna et qui sont attachés fanatiquement à leur madhab. Ils le suivent aveuglément même quand c'est dans des éléments qui sont en contradiction avec la sunna. Pourtant l'imam Abu Hanifa il a dit hein, et comme tous les autres imams ont dit, si vous trouvez le hadith, alors c'est mon madhab. Et c'est pour ça que parmi les plus grands élèves de Abu Hanifa, hein, parmi eux, il y en a qui sont partis après la mort de l'imam Abu Hanifa, ils sont allés étudier avec l'imam avec l'imam Malik, et ils ont changé la plupart des opinions qu'ils avaient auparavant dans différents aspects, différentes questions de fiqh, parce qu'ils ont trouvé des hadiths qu'ils ne connaissaient pas auparavant, et donc ils ont adapté, ils ont changé leur position. Donc c'est pour dire qu'il ne faut pas être fanatique, il ne faut pas suivre aveuglément une école de fiqh et s'imaginer que tout ce qui est dedans c'est la vérité. La même chose pour tous les autres madhahib, que ce soit le madhhab de l'imam Malik ou de l'imam Shafi'i ou de l'imam Ahmad. Et c'est pourquoi parfois on va mentionner des choses dans le livre, et on sait que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab il était Hanbali, et le cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, il est Hanbali lui aussi. Et pourtant, parfois, il va supporter une position qui contredit le madhhab. Il mentionne le madhhab, puis après, il dit ben, la position correcte qui est supportée par la preuve, c'est telle position. Il ne va pas nécessairement ou systématiquement supporter la position du madhhab qu'il suit. D'accord ? Donc ça, c'est très important de comprendre. Parce qu'il n'y a pas un madhhab qui a des positions vraies sur toutes les questions. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un madhhab qui, quand tu lis le livre de fiqh de ce madhhab, que tu vas être d'accord avec toutes les positions sur chaque point et chaque question, du début à la fin. Ce n'est pas possible. Parce que même si dans certaines questions, elles sont plus proches de la vérité que les autres, mais dans d'autres questions, tu vas trouver que c'est un autre madhhab qui a la position qui est plus proche du dalil que ce madhhab. Donc, il n'y a pas de madhhab, tu vas dire, ah moi je prends tout qu'est-ce qui est dans ce madhhab, puis je laisse rien, hein, et je ne vais pas regarder rien de qu'est-ce qui est dans d'autres madhhab. Parce que, il n'y en a pas un imam qui est infaillible, et qui ne se trompe pas, et qui a raison dans tout. Donc celui qui ne comprend pas ça, il risque de tomber dans l'égarement et de placer son imam ou son cheikh ou son madhhab au-dessus du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui fait ça, c'est clair qu'il est égaré. Parce que on n'a pas le droit de mettre quiconque, la parole de quiconque, au-dessus de la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc après le cheikh il dit pour expliquer la suite de ce point-là, il dit wa rawa muslimun fi sahihihi an Jabir ibn Samura radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala tasuffuna kama tasuffu al-mala'ika عند ربها فقلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويترصون في الصف وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله رواه مسلم. Et donc le cheikh il continue, il mentionne deux hadiths. Le premier, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. Selon Jabir ibn Samura radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'allez-vous pas vous mettre en rang de la manière que les anges se mettent en rang auprès de leur Seigneur? Et nous avons dit: ô messager d'Allah, comment est-ce que les anges se mettent en rang auprès de leur Seigneur? Et il dit, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il complète les premiers rangs en premier et il se serre dans les rangs, se colle les uns aux autres dans les rangs. Et il est rapporté également, il dit ensuite, selon Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu que certains de ses compagnons étaient reculés, hein, ils étaient reculés ou étaient en arrière ou reculés ou retardés. Alors il leur a dit, yani, en voulant dire, yani, faites vos rangs droits et regardez-moi, comme pour savoir comment redresser votre rein. Regardez-moi et suivez mon exemple, et ceux qui sont derrière vous vont prendre votre rein comme exemple pour se redresser eux aussi. Et il dit, les gens continuent à rester derrière, hein, ceux qui restent derrière, et il continue à rester derrière jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala les fasse reculer ou bien les fasse retarder ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih aussi. Donc ça c'est qu'est-ce qui vient compléter le point d'aujourd'hui, et c'est ça ce qu'on avait expliqué aux frères. Donc le cours numéro 4, c'est le cours qu'on a fait, la suite de ça, c'est le cours qu'on a fait la semaine passée. Donc au prochain cours, Inch'Allah, on fera le cours numéro 5. Puisque on a le cours numéro 4, on l'avait fait la semaine passée. Comme j'ai expliqué au début du cours, pour ceux qui n'ont pas été présents au début, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, bon, ils auront juste à écouter l'enregistrement lorsque il sera disponible sur le site, inshallah. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.